Ding, ding, ding. J'entends la musique de l'eau qui ruisselle sur l'instrument en même temps que le troisième soleil se lève. C'est le plus lumineux de la constellation des vaisseaux de communication. Il est environ 10 heures et j'ai déjà mal. J'ai mal dormi. J'ai encore perdu mon doudou dans le lit et ma sœur m'a réveillée plusieurs fois. Je prends mon temps pour me lever, pour ressentir mes membres engourdis. Je pose un pied, puis l'autre, et je regarde la fontaine musicale où l'eau coule. J'arrive à faire quelques pas et bois quelques gorgées de cette eau si précieuse, de cette eau vénérée. Je sais qu'elle est pleine de médicaments qui vont m'aider aujourd'hui. Je regarde par la fenêtre et je vois tous ces gens qui roulent, qui sautent, qui marchent, qui tâtonnent. Certains sont déjà avec des membres de France Communication. Je me sens mieux. Je sais que je vais les retrouver à l'école très vite.